vous êtes bien sur RIG, il est 20h. RIG. Oh, la marchite, c'est vachement plus lourd de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Pour commencer, un petit hommage, il nous a quittés trop tôt, à 69 ans. En 75, il a créé avec John Lennon cette chanson, Fame, hommage à David Bowie, pour commencer l'émission. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet, je suis avec vous jusqu'à, alors là cette fois-ci, 22h et plus. Préparez-vous une petite collation, on n'est pas parti. Il y a une quarantaine de chansons de prévues pour cette soirée qui va être marquée par l'album 33 and One Third, l'album de 1976 de George Harrison. C'est la saga numéro 282 qui commence. On écoutera donc This Song, Beautiful Girl, Dear One, See Yourself, Crackerbox Palace, Learning How to Love You, Pure Smokey et True Love. Vraiment, que des très bonnes chansons extraites de cet album-là. Pour Ringo Starr, il y aura aussi After All These Years, extrait de l'album Time Takes Time, mais extrait aussi du single Weight of the World de 1992. Pour Paul McCartney, une phase B, la phase B de Take It Away en 1982, I'll Give You a Ring. Et pour John Lennon, ce sera Isolation, sorti en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. Pour les Beatles, on commencera, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de la belle Julie Harrison, donc on commencera par lui fêter son anniversaire avec Birthday, tiré du White Album. C'est l'anniversaire de Julie Harrison, on va lui citer sur Facebook, elle va nous rejoindre dans un petit moment. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas présente au début de l'émission, mais qu'elle arriverait aussitôt que possible, c'est normal, hein, elle doit fêter son anniversaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai voulu préparer cette émission pour elle, je lui ai dit, bah tiens, voilà les clés, fais ce que tu veux. Elle m'a donné 2-3 chansons et elle m'a dit, pour le reste, je te fais confiance. J'ai essayé donc de lui faire une belle saga, et j'espère que ça lui plaira. On lui fait un énorme bisou à la belle Julie. Son âge? Mais ça se dit pas, elle a une vingtaine d'années, voilà, maximum. Allez, vous êtes prêts? On laisse passer un petit peu le générique et on commencera juste après par descendre. Bonne soirée à l'écoute du 90.7. Vous nous rejoignez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans le chapitre La Saga des Fab Four. Et puis, tout va bien se passer sur 90.7 aussi pour la FM, ceux qui écoutent autour de Bordeaux. La première chanson, This Song, extrait de l'album 33 and a Third, et on en parle juste après.

just a little town. Everybody trying to put us down. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human. Afraid of the sun, isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Et ça se termine comme ça. Vous êtes bien sur RIG 90.7 pour la radio FM, www.rigfm.fr pour le reste du monde, et également Bordeaux. Si vous avez l'intention d'écouter sur le net, c'est aussi possible. On a écouté George Harrison, des songs, Ringo Starr avec After All These Years, Paul McCartney, I'll Give You a Ring, et John Lennon, Isolation. George plus Ringo plus Paul plus John égale... les Beatles. Et avant d'écouter les Beatles, il faut que je vous parle de Lovely Rita, la responsable du Beatles Magazine à Londres. Si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les amis de Paul et de John et de Ringo et de George, sur les animateurs qui font des émissions comme mon ami Michael Honorato le lundi soir dans le New Jersey avec son émission Beatles Tonight, comme Kyle le samedi avec son émission Beatles Mania, et puis Brooke Alpin le dimanche, le samedi aussi, sur la côte est des États-Unis, la côte ouest, j'y arrive jamais, la côte ouest des États-Unis, avec Come Together with Brooke Alpin. Eh bien, renseignez-vous sur Beatles Magazine UK.com. Vous savez tout sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur encore bien d'autres supports. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les mois, tout le temps. Et merci, Lovely Rita. Voici la chanson pour la belle Julie Harrison, birthday. Bon anniversaire, Julie. Day to you, Julie Harrison, pour tes 20 et quelques années. Très content de t'avoir comme auditrice, ainsi que d'autres également, puisque on a ce soir des picassiettes qui s'appellent Sylvain, Christophe et Alexia, qui embêtent Jacqueline. Il faut laisser Jacqueline écouter la saga des Fab Four. C'est une auditrice qui est fidèle et elle a le plaisir d'écouter, je ne sais plus où, dans quelle région de France. Mais faites comme elle, faites comme eux. Allez sur www.rgfm.fr, branchez-vous et allez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, nous rejoindre et papoter avec nous. Voici une chanson que je dédie à la belle Julie, Beautiful Girl. C'est extrait de l'album de la semaine, 33 and One Third, et c'est George Harrison qui la chante. cette chanson. C'est Julie qui me l'avait demandé. Yvonne, une démo que Paul McCartney avait créé pour le groupe Tin Sissi, qui en fera une version un peu plus reggae. Je l'ai, la version. Mais on l'écoutera une autre fois. Et j'aime beaucoup vos commentaires sur le groupe Facebook, parce que, par exemple, les amis qui étaient les Picassiettes, vous savez, donc je parle de Alexia, de Sylvain et de Christophe, eh bien, ce sont des musiciens, ils l'ont prouvé en publiant une photo. C'est très très gentil. Donc, continuez à faire de la musique et de la bonne musique, et notamment ce genre de musique-là. I'm fixing a hole where the rain comes in. C'est les premières paroles de la chanson de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, enfin extrait de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, et c'est Paul McCartney qui chante. Fixing a hole, c'est le titre. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Mind is wandering, there I will go. Hey, hey, hey. And it yesterday, and I still go. Fixing a hole where the rain gets in stops my mind from wandering where it will go. Where it will go. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? She's not a girl who misses much. Touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. John eut l'idée de cette chanson lorsqu'il découvrit un magazine dédié aux armes qui appartenait à George Martin et qui traînait dans le studio. Un titre en couverture disait « Le bonheur est une arme chaude dans votre main ». La phrase était trop belle pour qu'il l'oublie et il commença à jouer avec les mots. Je me suis dit « Quelle phrase incroyable !» remarquait plus tard John. « Une arme chaude veut dire qu'on vient de tuer ». Et l'idée d'une arme chaude prit rapidement d'autres connotations, donnant naissance à de nouvelles allusions comme les démangeaisons du doigt sur la gâchette et bien d'autres. Je n'irai pas plus loin. En tout cas, c'était inspiré un peu par Yoko Ono, tout comme cette autre chanson un an plus tard, non pas sur l'album White Album, mais sur l'album Abbey Road, cette chanson que je trouve minimaliste. Les paroles, il n'y a presque rien. Mais quelle intensité, quelle belle chanson. L'une des meilleures, sans doute, de la face A d'Abbey Road. Voici I Want You, She's So Heavy. À tout à l'heure sur RG. soul. Les ingénieurs avoir cette musique là et puis John Lennon de dire tiens tu vas couper là, ouais, mais John c'est à contre-temps, m'en fous. C'est génial. Et d'autre part, pour les anciens, nous, quand on avait le disque vinyle posé sur la platine, au moment où ça coupe, c'est non seulement à contre-temps, mais c'est exactement le moment où le bras revient, parce que on est arrivé au bout du bout du bout du disque. est une idée quand même finalement totalement géniale. L'album de la semaine, c'est l'album 33 and One Third de George Harrison. On en écoute un nouvel extrait, Dear One, sur RG. Oui, c'est l'album de la semaine. C'est ça, c'est lui. Where else?

Let's go. Commentaire à l'époque du père de Paul McCartney, on ne dit pas she loves you, yeah, yeah, yeah, elle t'aime, ouais, ouais, ouais, on dit she loves you, yes, yes, yes. Ah ben oui, quand même, ça a plus de classe. Ringo Starr, en 2010, Mystery of the Night. C'est la première fois que je la passe dans la saga des Fab Four. Here comes love, here comes light. Here comes darkness, moving slowly in tonight. across the room, unlock the door. These are moments like I've never had before. I hear your footsteps coming near. It's the sound I love to hear. Then you fall right into me. It's destiny. You can hear the angels sing. Something feels so right. We don't even have to say the words. I can feel the world around us turn. Feel our love's alive. Living in the mystery of the night. Can't remember who I used to be. Before there was you. I feel our love's alive. Living in the mystery of the night. I can't believe it. Yes, I can't believe it. Now I can really see it. Cette chanson, cet extrait de Why Not, sorti en 2010 pour Monsieur Ringo Starr. Comme quoi, vous ne pourrez plus dire, d'ailleurs peut-être que vous ne l'avez jamais dit, Ringo Starr, non, il n'a pas fait de bonnes chansons. Si, il a fait de bonnes chansons entre 1970 et 2015. Et il continue. On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. De toute façon, comme d'habitude, vous n'avez pas le choix. Voici la chanson qui s'appelle See Yourself. C'est une chanson qui datait du temps des Beatles, qui a été conçue dans ces eaux-là, et qui parlait de Paul McCartney qui avait avoué qu'il prenait des substances illicites. Et globalement, George Harrison disait, t'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, t'as voulu le dire, et après tout, les conséquences, eh bien, ça te regarde un petit peu. Et voilà. Et c'est une chanson sortie en 1976 sur l'album 33 1/3 sur RIG. Somebody J'aime beaucoup cette chanson. Nous en arrivons à la 17e chanson, et lors de la 17e chanson, il y a toujours une cover. La cover, pour moi, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George, ou les Beatles, ou même si les Beatles eux-mêmes faisaient une reprise de quelqu'un qui avait débuté avant eux, comme Chuck Berry par exemple, ou un truc comme ça. Du moment que un artiste le chante, ou peut-être vous, si vous me proposez une bonne cover, eh bien, c'est dans la saga des Fab Four. Voici une chanson qu'on m'a fait découvrir il y a peu de temps. La chanson originale dure 11 minutes. C'était un poil long, je l'ai raccourci, mais c'est encore assez grand. Voici la chanson qui dure 7 minutes et quelques. Le groupe s'appelle Reconstruction, et le titre du morceau, c'est une reprise de Dear Prudence, et c'est en live. C'était enregistré à la fin des années 70, vers 78-79. Thank you.

que vous avez fait comme moi durant la chanson. Vous chantiez It's real love, it's real. C'est trop tentant, c'est trop de l'amour. Merci John Lennon, merci Paul McCartney, merci George Harrison, merci Ringo Starr. C'est vraiment extraordinaire. J'adore, j'ai des frissons. Je pense que je ferai cette émission jusqu'à ce que, ben jusqu'à ce que ma voix parte, quoi. Quand j'aurai plus de voix, peut-être que j'arrêterai. Allez, voici. On va faire quelque chose de plus joyeux. Trouve le clip, Rook. Je sais que tu vas le trouver. Nous sommes en 1976 sur l'album de la semaine, 33 and a third. Et voici la chanson Crackerbox Palace. Dans un moment du clip, il y a George Harrison dans une poussette. C'est à se tordre de rire. I was so young when I was born, my eyes could not yet see at the time. We've been expecting you. You bring such joy in Crackerbox Palace. No man over you, no one love is true. While growing up, we're trying to, not knowing where to start. I looked around for someone who may help reveal my heart. And someone said, while you're a part of Crackerbox Palace, do what the rest don't do, or face the fact that Crackerbox Palace may have no other choice than to deport you. We've been expecting you. You bring such joy in Crackerbox Palace. No matter where you roam, no one love is true. It's true, it's true. Sometimes it's good, sometimes it's bad. A part of life, and standing in between them all, I met a Mr. Cripe, and he said, I welcome you to Crackerbox Palace. Was not expecting you. Let's slap on tap at Crackerbox Palace. Know that the Lord is well and inside of you. We welcome you to Crackerbox Palace. We've been expecting you. You bring such joy in Crackerbox Palace. No matter where you roam, no, our love is true. You bring such joy in Crackerbox Palace. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Thank you. Nous sommes en 1973 sur l'album Mind Games et I Know est avec un picking à la guitare qui rappelle celui des Beatles. C'est une des meilleures ballades de cet album, même si pour les paroles, John enfonce le clou avec un thème qui commence à devenir familier. Une fois de plus, il jure son amour à Yoko tout en battant sa coulpe parce qu'il est indigne d'elle. Mais il semble que ça n'a pas suffi. Avant même que l'album atteigne les bacs des disquaires, John avait déjà quitté le domicile conjugal, apparemment à la demande de Yoko. Bon, il se retrouve après, donc tout va bien. Voici du rock and roll signé Paul McCartney sur RIG. Three cheers for the girls. Hey babe. Hey babe. Montez le son. Hey babe. We'll be right back. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la belle Julie Harrison et aujourd'hui on fait la saga des Fab Four Extended Version. Donc on dépasse 22h et on va aller on va aller plus loin en tout cas. Donc restez là, restez sur 90.7. We'll be right back. Ringo Starr en 2012 sur l'album qui s'appelle Ringo 2012. C'est pas foulé, hein, mais bon, si vous voulez. Il a fait le coup en 1973, l'album s'appelait même carrément Ringo, tout carrément. Bref, revenons à l'album de la semaine. Donc un album de la semaine à rallonge, il y a plus de 6 titres. Et voici l'un des plus beaux titres de l'album, et même peut-être des chansons de George Harrison en solo. Voici Learning How to Love You. Ambiance feutrée, on danse un slow et on apprécie. Tomorrow Never Knows sur RIG, mais dans une version différente, la version des anthologies. John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Quelle voix charmante! C'est Julie qui a présenté ce petit jingle. Bon anniversaire encore une fois, Julie. Et voici India, Paul McCartney sur RIG. We'll be right back. Quand vous pensez que ça c'est une jam, c'est seulement une jam, ça n'est jamais sorti officiellement alors que c'est absolument génial. Nous sommes en 1973 et John Lennon dit « You are here » et il en est bien content. A chair.

belle chanson. Si je trichais, je dirais merci Julie d'avoir choisi cette belle chanson. Non, elle m'a laissé carte blanche pour mettre de belles chansons comme celle-ci par exemple, une collaboration Paul McCartney, George Michael, Heal the Pain. Il l'a chanté d'abord tout seul, George Michael, et puis il a eu l'idée de faire intervenir Paul, et je trouve que ça ajoute un petit plus parce que les deux voix vont très bien ensemble. Your heart can embrace. Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the of no show me your heart now. The Fabulous Four Saga, right here on your radio with Terry Gale. Let's go back, back, back, back, back. Let me take you down. Que dans cette version là, c'est le solo caché de batterie de Ringo Starr, non? Strawberry Fields Forever, la prise 7 plus une version retravaillée. Cet extrait de l'anthologie numéro 2, sortie en 1996. Je vais vous offrir un petit cadeau, encore un petit cadeau de Paul McCartney, et puis juste après, ce sera John Lennon en 1974. Vous savez, je vous tutoie. Ouais, je peux te tutoyer après tout. Le morceau qui fait décoller les meubles là avec un énorme gros son. You don't know what you got until you lose it. Ce sera juste après ça. Meat Free Monday, une chanson qui reste dans la tête. Meat Free Monday, it's a fun day, and it's happening all around the world. Monday, it's a fun day. what's happening all around the world. After Sunday, be free Monday, and it's happening all around the world. Here comes John Lennon. What you got? De rocker de John Lennon, et quand on essaye de suivre la chanson et qu'on essaie de chanter comme lui, eh bien après on a mal à la gorge, ça m'apprendra. Allez, maintenant beaucoup plus cool, beaucoup plus cool, beaucoup plus cool. Extrait de 33 and a Third, sorti en 1976, c'est une reprise de Cole Porter que George Harrison porte dignement sur cet album-là avec cette chanson True Love sur RIG. To me, and I give to you true love, etc. True love, it's a true love. C'était le dernier extrait de l'album de la semaine. On a fini avec True Love. Voici encore de l'amour. Je préfère encore cette chanson-là, I Real Love. C'est Free as a Bird. Lorsque je l'ai écouté la première fois, je me souviens très très bien, je sortais de la rocade bordelaise. Je me suis arrêté sur le bas-côté avec ma voiture parce qu'une larme est sortie lorsque j'ai entendu la voix de Paul McCartney venir se coller sous la voix de John Lennon. Frisson garanti et chantons ensemble Free as a Bird sur RIG. Incroyable, hein, 1995 et la magie des Beatles recommence comme si ça ne s'était jamais arrêté. J'adore cette chanson, je la trouve vraiment remarquable. disappear. I've seen that road before. Sinueux qui mène jusqu'à toi. Est-ce qu'un jour je le franchirai? Je ne sais pas. En tout cas, j'adore cette chanson. Très, très belle chanson. La semaine dernière, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, m'avait dit « Oh, j'aimerais bien écouter Appreciate de Paul McCartney sur l'album New. » Et je n'avais pas eu le temps de la programmer. Eh bien, c'est réparé pour ce soir. Voici Appreciate de l'album New sur RIG. Appreciate it, appreciate it.

Now the birds have all flown from our nest, but you could bring back memories departed by playing my baby's request. How it goes, but you're the one that really knows. So come ahead just one more time and then we'll go to bed. Stars settle down for rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Please play me my baby's request. Non, non, non, à un moment donné, il faut savoir s'en aller. Merci à tous et à toutes. Merci d'être restés aussi longtemps. La semaine prochaine, la saga, la numéro 283. Il y aura également Eric la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Soyez en forme demain. Ça va être difficile pour moi, mais on va essayer quand même. Le podcast un peu plus tard. Je ne vais pas avoir le temps de le faire cette nuit. Et je vous embrasse. Et j'embrasse particulièrement la belle Julie pour son anniversaire. À bientôt. Salut, ciao.